1. La veillée. 1. Débia prit le journal d'Amère et le posa devant elle. Puis elle approcha une caisse, tout comme il faisait, et se mit à écrire dans un petit cahier à couverture verte, un peu fanée, éclairé par la flamme jaune de la vieille lampe à pétrole. Nana Mella, sa mère, respecta sa douleur. Elle acheva de préparer la couchette pour toutes deux et s'installa sous la couverture après avoir déroulé sa ceinture rouge qu'elle jeta près de l'oreiller ainsi que son foulard, car elle aimait dormir à l'aise dans sa gandoura, tandis que ses cheveux libérés pouvaient déborder librement hors du lit et traîner sur la natte. Nana Mella ne voulait rien changer aux habitudes. C'était la seule façon d'éviter le hiatus, de lier le passé et l'avenir. Oublier le présent, l'ignorer comme font les sages qui savent, eux, que le présent ne compte pas parce que c'est un impertinent, un prétentieux qui se mêle de vouloir modifier le futur. Voilà justement ce qui ne devrait pas se produire. Pour Nana Mella, c'est tout simple. Amer, c'est le présent. Par conséquent, il n'a jamais existé. Il importe que Debia oublie, qu'elle oublie très vite. Debia est toute au malheur qui la frappe. Elle a passé des heures à lire le journal. Et maintenant, elle écrit comme une petite fille appliquée, une gamine du cours moyen qui a appris à bien former ses lettres, connaît les règles du pluriel et sait faire accorder les verbes avec les substantifs, leur sujet. Son écriture est petite, droite, aussi sage qu'elle-même, aussi affectueuse, pourrait-on dire, si l'on considère la façon toute confiante dont se bouclent les S, se replient les M et s'allongent sans arrière-pensée les L, les P, les D. Une écriture de jeune fille naïve pouvant fixer des rêves charmants, des soucis puérils, mais non traduire une douleur profonde ou crier sa révolte. Avec une écriture pareille, il n'est pas possible d'aller loin. Voilà pourquoi Debia s'arrêta au bout de la troisième page. Elle relut ce qu'elle venait d'écrire et répéta à mi-voix. Mon Dieu, ayez pitié de moi. J'ai fait un héritage. Amer en amer, tous tes papiers sont là. J'ai trouvé le paquet sur la caisse, bien en évidence. Je n'ai pas perdu la tête. Oui, ils sont tous là. C'est à moi de conclure. Ce soir, je voudrais veiller à ta place. Ce serait la 13e nuit. J'écrirai le 13e chapitre. Mais je ne parviendrai jamais à tout dire d'un seul coup. Tant pis. Le temps ne me manquera pas, ni la patience. Ma nuit durera des jours, des semaines, mais je jure qu'il n'y aura qu'une nuit, que cette nuit sera toute consacrée à toi, et qu'après, pour Débia, il y aura encore la nuit, une nuit sans fin. Ce matin, ma mère est revenue de chez Amère toute pâle, les lèvres tremblantes. Elle a murmuré d'une voix étranglée. Ma fille, un grand malheur. Il est mort. Tais-toi, viens voir. Ce fut comme si l'on me lâchait brutalement dans un puits sans fond. Mon cœur monta vers la tête, tandis que mon ventre descendait. Descendait et que mes pieds s'étaient détachés de moi, comme si une bombe m'avait disloqué et que j'étais en train de m'éparpiller dans un gouffre. Ma mère a dû s'en apercevoir et m'a donné deux fortes gifles. J'ai sursauté et j'ai crié bêtement. Merci. Puis je me suis mis à courir. J'ai poussé la porte, je suis entré comme une somnambule. Je me suis dirigé vers la caisse où le paquet m'attendait. Je savais qu'il était là, pour moi. Je l'ai pris, je n'ai rien vu. Amer était-il là? Je ne saurais le dire. Je suis revenu chez moi pour me recoucher, j'ai tiré les couvertures sur ma tête, j'ai ramené mes genoux sur ma poitrine et j'ai glissé mes deux mains qui tenaient le paquet entre mes cuisses. Je n'ai pas bougé de la journée. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Ma mère s'est débrouillée toute seule. Suppose que je sois morte, moi aussi. Non, suppose que je n'existe pas et occupe-toi de lui, hein, ma mère. Oublie-moi, je t'en prie, oublie-moi. Il a dû y avoir du monde dans sa cour. Ma mère était affairée. Elle entrait chez nous, sortait, fermait la porte chaque fois qu'elle me laissait. J'ignore ce qui s'est passé depuis la découverte du mort. J'ai pu deviner dans les allées et venues l'arrivée des Français, les hommes de loi, pour l'enquête. Puis, plus tard, ceux qui devaient prendre le corps pour l'enterrer comme on enterre une bête crevée, sans cérémonie. Ainsi, ses compatriotes s'en débarrassaient furtivement, le privaient des versets du Coran, interdisaient au dieu de Mahomet d'accompagner ce mécréant. « Vite, vite à Tazrout, pensaient-ils tous sans doute. On n'a que faire d'un cadavre pareil. » Un brouhaha confus s'était levé dans la cour vers 3 heures, juste après le départ des enquêteurs. Puis le martèlement des chaussures devant ma porte. Puis plus rien. Ma mère est rentrée quelques minutes après. Elle est allée s'asseoir près du canoun et s'est mise à sangloter. Mais ses sanglots m'importunaient. Tais-toi, lui ai-je crié. Va-t'en, laisse-moi seul. Tu es folle, Débia ? Oui, oui, je suis folle. Tu ne comprends donc rien. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Elle répéta à mi-voix. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Puis elle alla rejoindre sa mère et souffla la petite lampe qu'elle avait prise sur la caisse pour la déposer près de l'oreiller. Elle s'allongea sur sa couche froide, s'étira comme pour défier la terre glacée dont la protégeait à peine la natte et les deux couvertures, évita de se serrer contre sa mère, ainsi qu'elle faisait d'habitude quand elle voulait se réchauffer tout de suite, et se tint immobile. Il ne fallait pas qu'elle réveille Nanamela. Elle préférait s'isoler, se sentir seule dans l'obscurité, continuer de réfléchir, se dire tout ce qu'elle eût aimé écrire et qui se refusait à sortir, et restait en elle pareille à une grosse boule. Une boule dans sa gorge, une boule dans sa tête, dans sa poitrine, son ventre, un poids très lourd qui finissait par se confondre avec elle. Son chagrin était aussi gros que son corps. Il était devenu son corps lui-même, de la pointe du crâne jusqu'aux orteils. Elle cessait d'exister. Il n'y avait plus que cela, le chagrin. Et ce chagrin, c'était elle. Ce qu'il y avait sous les couvertures, près de Mela, ce n'était pas Débia, c'était lui, bien allongé, raide et pesant. Il ne fallait pas bouger, ni que Mela s'en aperçût.